Chapitre 8e. Quelques heures après la visite de la marquise Van Hope à Madame Charmet, un jeune homme en costume de soirée s'arrêta vers 9 heures du soir environ dans la rue de la Chaussée-d'Antin, entra dans la maison qui porte le numéro 45, demanda si le major Cardenne était chez lui, et sur la réponse affirmative du concierge, monta lentement à l'entresol et sonna. « Qui annoncerai-je ? » demanda le valet de chambre qui vint lui ouvrir. « Monsieur Chérubin, » répondit le jeune homme entrant sur les pas du domestique. C'était en effet celui des valets de cœur que sa remarquable beauté avait fait surnommer Chérubin, qui se présentait chez le personnage que Rocambeau l'avait, le jour de la séance, désigné sous le nom de major. Chérubin, car nous lui conservons ce sobriquet, traversa un petit salon, une chambre à coucher de garçon, et pénétra dans une troisième pièce convertie en fumoir. Là, le major Cardenne, à demi couché dans un voluptueux fauteuil ganache, les pieds sur les chenets, un pureau sous lèvres, attendait sans doute son visiteur, car il était tout habillé et prêt à sortir. Le major était un homme de 50 ans, très bien conservé, ayant au plus haut degré la tournure militaire, en dépit de son habit de ville, sur lequel s'étalaient plusieurs décorations étrangères. Le major, dont le nom annonçait du reste l'origine étrangère, avait servi tour à tour en Prusse, en Russie, en Espagne et en Portugal. Il habitait Paris depuis environ 3 ans et dépensait annuellement 30 000 francs, gagnait quelques centaines de louis au jeu et était fort répandu dans le monde. Quant à sa fortune, c'était une de ces énigmes que le monde parisien ne cherche jamais à déchiffrer et qui lui sont indifférentes. Le major était-il riche, était-il pauvre, peu importait. Il menait une vie élégante, payait ses fournisseurs, avait une maison convenable et 3 chevaux de sang. On ne pouvait en conscience lui en demander davantage. En entendant annoncer M. Chérubin, le major tourna la tête à demi et tendit la main au nouveau venu. « Bonjour, lui dit-il, vous êtes exact. L'exactitude est la moitié du succès. « Asseyez-vous, nous avons le temps de fumer un cigare. » Et le major regarda la pendule placée sur la cheminée. « La marquise n'aura beaucoup de monde que vers minuit. Nous arriverons à 10h30. Nous la trouverons presque seule. C'est le moment favorable pour votre présentation. » M. Chérubin s'assit dans le Voltaire que lui avança le major. « À propos, reprit celui-ci, comment vous appelez-vous, mon honorable ami? Car enfin, Chérubin est évidemment un nom flatteur, si on songe aux exploits qui vous l'ont valu. Mais ce n'est point un nom. « Je me nomme Oscar de Verny, » répondit le jeune homme. « Avez-vous servi ?»« Non, major. »« Très bien. Je vous demandais ce dernier détail pour ne point faire de bévue. » Et le major, passant à Chérubin une boîte de cigares, poursuivit. « Vous avez une de ces physionomies qui sont bien faites pour tourner la tête à une femme. » Chérubin s'inclina. « Mais... » poursuivit le major. En amour, la figure n'est pas l'unique gage du succès. Un homme trop beau a même à lutter contre de certains préjugés vis-à-vis d'une femme intelligente. Et la marquise est... Très bien, je vous comprends, interrompit Chérubin. Mais ne vous inquiétez pas, je sais mon métier. Cette réponse, faite d'un ton un peu sec, ferma la bouche au major, qui se contenta de s'incliner. À propos, reprit Chérubin. « Me permettez-vous une question, major ?»« Faites, monsieur. »« Que pensez-vous de notre association ?»« Mesdames, j'en pense du bien. »« Ce n'est pas répondre, cela. »« Que voulez-vous donc savoir ?»« Ceci, simplement. »« Que risquons-nous dans cette affaire ?»« Car enfin, je ne sais si vous êtes plus renseigné. »« Mais quant à moi, je vous avouerai que je vais un peu en aveugle. »« Pardon, fit le major. »« Expliquez-vous, monsieur Chérubin. »« Ou du moins, questionnez-moi plus clairement. » « Soit, répondit Chérubin. Comment êtes-vous entré dans cette association ?»« Comme vous, par l'intermédiaire de M. le vicomte de Cambolle. Et vous ne connaissez pas le chef ?»« Non, répondit le major avec un accent de vérité profonde. Et vous ne trouvez pas que nous agissons bien légèrement ?»« En quoi, s'il vous plaît ?»« En ce que nous obéissons à un pouvoir inconnu ?»« Qu'importe. S'il tient ses engagements comme il les a tenus jusqu'ici, mais nous jouons gros jeu. » « Je ne trouve pas. Le métier que nous faisons, mon cher, n'est pas très dangereux. car il est un de ceux que la police la plus habile constate difficilement. Nous sommes aimables et on nous aime. » Le major sourit et regarda Chérubin. « Quel mal y a-t-il à cela ? » dit-il. « Aucun, en effet. » Maintenant, le hasard fait que nos amours ont de funestes conséquences. Nous sommes indiscrets, ou bien étourdis. Eh bien, s'il arrive une catastrophe, qu'est-ce que cela prouve ? Est-ce là un crime du ressort des tribunaux ? Vous avez raison, dit Chérubin. Mon Dieu, acheva le major, je ne sais quel rôle ont à jouer nos associés, mais je trouve que le vôtre est tout à fait sans péril. Personne au monde ne saurait prouver que je ne vous connaissais pas hier. Or, nous nous sommes rencontrés au bain de mer, ou aux eaux, ou dans un salon. Vous m'avez paru un homme distingué, et comme tel, j'ai cru pouvoir vous présenter chez la marquise. Maintenant, il arrive que la marquise est belle, et que vous l'aimez, que vous êtes beau, et qu'elle vous aime. Qu'y puis-je faire ? En conscience, le marquis lui-même ne saurait m'en vouloir. À vous, non, mais à moi. À vous, pas davantage. Vous n'êtes point ami du marquis, donc vous ne le trahissez pas précisément. Le marquis a le droit de vous tuer, mais cela ne regarde nullement la justice, car évidemment, le marquis n'est pas un homme à recourir à la police correctionnelle. Vous risquez un duel, voilà tout. Alors, dit tranquillement Chérubin, nous pouvons marcher. Le major sonna. Jean, dit-il à son valet de chambre, attelez les clercs à mon Tilbury, je conduirai. 10 minutes après, le major était obéi. Il acheva de se ganter, passa son par-dessus blanc, vêtement alors fort à la mode, et dit à Chérubin, « Venez, je suis à vos ordres. » Tous deux descendirent dans la cour où attendait le Tilbury. Le major prit les rênes, et le cheval s'élança au trot dans la rue de la Chaussée-d'Antin. Il était alors 10h30. L'hôtel du marquis Van Hoppe était situé à l'extrémité des Champs-Élysées, à l'entrée de l'allée des Veuves. Quand le Tilbury du major atteignit la porte cochère, quelques coups de maître, quelques équipages étaient rangés déjà dans la cour. Cependant, il y avait encore peu de monde et la fête, qui promettait d'être brillante si l'on s'en rapportait aux préparatifs, était à peine à son début. Une trentaine de personnes, tout au plus, entouraient la marquise qui se tenait dans son boudoir, attenant au grand salon du premier étage, tandis que son mari recevait dans cette pièce et donnait la main aux dames à mesure qu'elles arrivaient. Nous avons entrevu la marquise. Qu'on nous permette quelques lignes de silhouette à l'endroit du marquis. M. Van Hoppe était un homme d'environ 40 ans qui paraissait à peine en avoir 35. Il était grand, doué d'un nez sans embonpoint, et toute sa personne trahissait un naturel apoplectique. Blond, le teint légèrement coloré, les yeux bleus, le marquis était fort beau en réalité et résumait admirablement le type de l'homme du Nord. Son sourire et son regard étaient doux, mais on comprenait que cet homme, bâti en Hercule, devait être sujet à de terribles colères. Si l'on remarquait ses épais sourcils d'un blond plus fauve et plus foncé que sa barbe et ses cheveux, et qui étaient tellement rapprochés qu'il suffisait pour les unir d'un simple froncement. M. Van Hoppe était bon, loyal, affectueux même, mais il était jaloux. Il était horriblement jaloux de sa femme, non point jaloux à la façon de l'homme qui se croit trahi, mais comme l'est celui qui redoute de l'être jamais. Cette jalousie suffisait à empoisonner la vie calme, heureuse, opulente du riche banquier hollandais, et cela d'autant mieux qu'il faisait tous ses efforts pour dissimuler son mal et s'étudiait constamment à paraître l'homme le moins jaloux de la terre. Aussi donnait-il des fêtes, conduisait-il sa femme dans le monde, à l'opéra, aux Italiens, partout. L'été, le marquis et la marquise Van Hoppe se montraient successivement aux eaux de Bade et aux Pyrénées, à Vichy et aux bains de mer. L'hiver, leur salon s'ouvrait tous les mercredis à l'aristocratie parisienne des deux rives de la Seine, comme terrain neutre, où la finance et la noblesse se donnaient cordialement la main. Ce soir-là, le marquis causait, lorsque le major et son protégé arrivèrent, avec un grand vieillard de 70 ans environ, qui bien certainement n'en voulait pas paraître 50. C'était le duc de Château-Mailly. Le duc, ancien général de cavalerie, était de haute taille et avait dû être fort beau jusque dans son âge mûr. Les succès qui, pour lui, avaient empli le passé, tournaient la tête à sa vieillesse et il se croyait encore aimé pour lui-même de la meilleure foi du monde. Aussi teignait-il soigneusement ses cheveux et sa moustache, et portait-il un corset sous son gilet. Sa mise, d'une recherche excessive, était rehaussée par une brochette de décorations de toutes couleurs passées à son habit. Le duc et son hôte se promenaient de long en large dans le grand salon, à peu près désert, et arrivaient jusqu'à la porte du boudoir, où la marquise était entourée par les premiers arrivés. Auprès de la marquise, assise sur le même sofa, on aurait remarqué une femme dont la beauté semblait merveilleuse à distance et supportait admirablement l'éclat des bougies. Avait-elle 25 ans à peine, ou bien touchait-elle aux limites désolées de la 40e année? C'est ce que nul n'aurait pu dire le soir au feu des lustres et des candélabres. Cette femme, qui jouait de l'éventail avec la grâce nonchalante de l'Espagnol, et qui avait de délicieuses poses de tête, de charmants sourires et de jolis gestes pleins de mutinerie, était Madame Malassis, l'amie intime de la marquise von Hopp. Le marquis et le vieux duc arrivaient donc périodiquement jusqu'à la porte du boudoir, dont les deux battants étaient ouverts, tournaient sur leurs talons et recommençaient leur promenade. Mais le vieux duc avait le temps chaque fois d'échanger avec Madame Malassis un imperceptible regard et un demi-sourire de mystérieuse intelligence. Le major, en entrant, alla droit au marquis. Celui-ci lui tendit la main d'une façon courtoise et familière, qui attestait l'intimité dont le major jouissait à l'hôtel von Hopp. « Mon cher marquis, me permettez-vous de vous présenter un de mes amis, je dirais volontiers un de mes parents, M. Oscar de Verny ?» Et il démasqua Chérubin. Chérubin s'inclina, et le marquis von Hopp, qui s'apprêtait à saluer banalement comme il saluait sans personne indifférente ou inconnue chaque soir, se prit à tressaillir soudain. Chérubin, en effet, justifiait assez bien son surnom pour un mari jaloux comme l'était M. von Hopp. Il possédait cette beauté merveilleuse et fatale qui séduit si bien les femmes à l'imagination vive, au caractère romanesque. Chérubin, redevenu M. Oscar de Verny, résumait fort bien le type de ce jeune viveur un peu lassé déjà, au regard voilé à demi, au front pâli par l'ébeille, mais qui semble porter ce cachet de fatalité indélébile qui révèle une mission à accomplir. On pouvait se dire, en le voyant, « Voilà un jeune homme qui s'est imposé le rôle de séducteur et qui le remplit en conscience, sans être arrêté par aucune considération. » Aussi, à la vue de cet homme, un pressentiment bizarre agita-t-il le cœur du marquis von Hopp. Mais déjà, le major et Chérubin l'avaient salué et s'éloignaient pour ne point interrompre son entretien avec M. de Château-Mailly. Le major pénétra dans le boudoir, toujours suivi de son protégé. Madame von Hopp écoutait en ce moment une anecdote que racontait Madame Malassis, avec un esprit si pétillant que des sourires approbateurs arquaient les lèvres des auditeurs, tandis que la marquise elle-même manifestait sa gaieté par un franc éclat de rire. Auprès de la marquise se tenait un grand jeune homme blond, de 27 à 28 ans, dont l'attitude sévère semblait contraster avec le maintien joyeux et de bonne humeur des personnes qui l'entouraient. Ce jeune homme, fort beau du reste, suivant les lois rigoureuses de la beauté plastique, avait en outre un cachet d'exquise distinction dans toute sa personne. C'était le neveu de M. le duc de Château-Mailly. Le comte écoutait sans sourire et sans donner aucune marque d'approbation le récit de Mme Malassis. Une expression de hauteur dédaigneuse arquait même ses lèvres à demi tandis que la veuve parlait. Derrière lui se trouvait un homme dont la physionomie originale et la mise excentrique n'avaient point encore attiré les regards, ce qu'il fallait attribuer à l'intérêt qui s'était attaché au récit de la belle veuve. Qu'on se figure un homme au visage couleur de brique, aux cheveux roux ardents tombant sur ses épaules, dont les oreilles étaient ornées de boucles d'or, qui portait des diamants à ses doigts et à sa chemise, un habit bleu barbeau, un pantalon nankin et un de ces immenses faux cols britanniques dans lesquels disparaissaient le menton, la bouche et une partie des oreilles. Certes, si ce personnage aussi bizarre par sa mise qu'étrange par sa physionomie et qui paraissait avoir 45 ans au moins, en jugé par son embonpoint plutôt que par son visage coloré et qui était presque maigre, si ce personnage, disons-nous, n'avait eu la précaution de se tenir un peu à l'écart, il eût certainement été un point de mire universel. Il était inutile de lui assigner une autre patrie que la nébuleuse Albion, et il justifiait pleinement son nom de Sir Arthur Collins. Sir Arthur était arrivé le matin même chez le marquis Van Hop, muni d'une lettre de recommandation et de crédit en même temps de la maison Flyer, Bower et compagnie. Le marquis avait compté à Sir Arthur les 10 000 livres sterling mentionnées dans la lettre de crédit et l'avait invité à son bal. Sir Arthur était arrivé ponctuellement à 10 heures, avait causé longuement avec le marquise alors toute seule, puis il s'était modestement effacé lorsqu'étaient survenus quelques invités. Or, au moment où Madame Alassis terminait son histoire, Sir Arthur toucha légèrement du doigt l'épaule du comte. Celui-ci se retourna et manifesta un vif étonnement à la vue de l'excentrique personnage. « Pardon, monsieur le comte, » dit Sir Arthur en très bon français, bien qu'avec un accent britannique très prononcé. « Pardon, » fit-il à voix basse, « mais je désirerais vous entretenir un moment. » Le comte fit quelques pas en arrière et, fort intrigué, suivit l'anglais dans un coin du salon. « Monsieur le comte, » reprit ce dernier, sans se départir un moment de sa mélopée suffisante et de son grasseillement britannique, « vous me voyez pour la première fois, et vous me trouverez peut-être indiscret. »« Nullement, Milord, » répondit le comte avec courtoisie. « Oh, » dit l'anglais, « je ne suis pas Milord. Je suis gentleman, simplement. Mais peu importe, je désire, monsieur le comte, vous entretenir d'une personne qui est ici et qui, sans doute, ne vous est pas indifférente. » Le comte parut étonné. « Que pensez-vous, » continua l'anglais, « de cette dame qui amusait si fort le monde ?»« Que pensez-vous, » continua l'anglais, « de cette dame qui amusait si fort tout le monde tantôt ?» Le comte tressaillit. « Moi, » fit-il, « absolument rien. Lui trouvez-vous de l'esprit ?» Comme à une parfumeuse retirée. Un sourire énigmatique passa sur les lèvres de Sir Arthur Collins. « Elle est belle, » hasarda-t-il. « Elle a 40 ans. »« Soit, eh bien. » « Et monsieur le duc de Châteaumailly, votre oncle ?» Cette fois, le comte laissa échapper un geste de surprise et regarda cet interlocuteur étrange qu'il n'avait jamais vu auparavant et qui venait précisément lui parler de son oncle et de sa mystérieuse passion. « Votre oncle, » acheva très froidement Sir Arthur, « est d'un avis diamétralement opposé au vôtre, monsieur le comte. Et la preuve en est... »« Ah, » fit le comte, « vous avez une preuve. »« Oui. »« Et quelle est-elle ?»« C'est que, avant un mois, Madame Alassis, veuve d'un ancien parfumeur, femme de mœurs plus que douteuse, malgré sa pruderie d'emprunt, sera duchesse de Châteaumailly. » Le comte devint livide et se mordit les lèvres. « Je sais bien, » dit Sir Arthur, « que je ne vous apprends rien, que vous vous attendez même à cet événement depuis longtemps. » Comme le condamné qui ne peut échapper à l'exécuteur attend en frémissant sa terrible hache. « Monsieur, » fit le comte, « pardon, monsieur, » poursuivit Sir Arthur avec un calme parfait en s'inclinant de nouveau. « Veuillez m'écouter sans trop d'impatience. » Car j'ai peut-être, je dois certainement, avoir un mobile bien puissant pour vous parler de cette déplorable affaire. Veuillez m'écouter. » Et l'anglais s'assit sur un de ces sièges qu'un homme tourne dos, invitant du geste le comte à l'imiter. Puis il reprit, lorsque ce dernier se fut assis à son tour. « Monsieur le duc de Châteaumailly a une immense fortune, dont vous devriez hériter, et qui cependant ira tout entière à Madame Alassis, à laquelle il fera une donation universelle par contrat de mariage. Ceci est inévitable. « Mais, monsieur, » dit le comte d'une voix sourde, « pourquoi vous faire un prophète de malheur et m'annoncer ce que, hélas, j'ai deviné depuis longtemps ?»« Monsieur le comte, » répondit Sir Arthur, « si je me suis permis de vous faire toucher au doigt le malheur qui vous menace, c'est que peut-être... » Sir Arthur s'arrêta. « Peut-être ?» fit le comte anxieux. Un regard étrange s'échappa des brunelles de l'anglais. « C'est que, peut-être, acheva-t-il lentement, il y a en ce monde un seul homme qui puisse empêcher le mariage du duc de Châteaumahie et vous conserver à vous votre héritage. » Le comte étouffa un cri. « Et cet homme ? » interrogea-t-il. « C'est moi, » dit Sir Arthur Collins. En ce moment, un laquais jeté aux invités du seuil du grand salon, le nom de monsieur et de madame Fernand Rocher et s'effaçait pour les laisser passer.